Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec, nous aurons un entretien avec Yannick Marcille sur le printemps québécois en première partie d'émission, puis ce sera suivi de la chronique de Robert Jasmin. Le Grain de Sable d'Ata Québec. Alors bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui sera avec vous jusqu'à 13h et qui animerait cette édition du Grain de Sable d'Attaque Québec en ce 23 mars 2013. Alors pour ceux qui découvrent cette émission, je vous rappelle qu'on fait jouer de la musique engagée et c'est un magazine socio-économique et socio-politique. Alors on parlera de ce qui se passe ici aussi d'ailleurs et c'est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne que vous connaissez sous le nom d'Attaque Québec. Alors cette semaine, Robert Jasmin, ex-président d'Ata Québec et sociologue, viendra nous parler d'actualité américaine et nous aurons également l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Ata Québec, donc éditorial en provenance de Tunis. Et pour débuter l'émission, je vais m'entretenir avec Yannick Marcille, économiste indépendant, avec qui on fera un retour sur le printemps érable québécois de l'an dernier. Mais d'abord, on écoute la chanson « Les casseroles » de Damien Robitaille. Si vous en avez ras-le-bol, tapez sur vos casseroles. Et si vous en avez marre, c'est l'heure du tintamarre. Nous ne sommes pas des casseurs, on fait juste un cri du cœur. Répondez à l'appel, sortez avec votre vaisselle. Amis, ou ton amour, sors ta passoire, râpe au fromage, c'est tout la rage. Toi la biscuit, oui mon ami, le chili était bon ce soir. Oh mais j'aime plus le son qui vient de ces casseroles. Si vous en avez ras-le-bol, tapez sur vos casseroles, baby. Et si vous en avez marre, c'est l'heure du tintamarre. Oh, nous ne sommes pas des casseurs, on fait juste un cri du cœur. Répondez à l'appel, sortez avec votre vaisselle. Oh, oh, oh, aïe, mais, oh, attention, touchez pour vos teflons, yeah. C'est fragile, ma mère m'a donné ça pour toi, c'est... Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Toutes unies à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. La place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts. Alors, vous venez d'entendre un extrait de Les Oies de Cowboy Fringant, et juste avant, c'était la chanson Les Casseroles de Damien Robitaille, qui introduit très bien le sujet d'aujourd'hui, donc le printemps érable de l'an dernier. Et avec moi, j'ai au bout du fil Monsieur Yannick Marcil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vais rappeler aux auditeurs avant, donc, que vous êtes économiste, économiste indépendant, que vous tenez un blog sur le site voir.ca, Ponconomie, et on peut également vous entendre régulièrement dans les médias, mais aussi à notre émission où nous apprécions grandement vos analyses. Et, donc, oui, et c'est sincère. Alors, il y a un an débutait ce qu'on a appelé le printemps érable, et auparavant, il y a eu le mouvement Occupons, inspiré du mouvement américain Occupy, qui a été lui-même inspiré du mouvement des Indignés, sans oublier le printemps arabe. Alors, on sait que le printemps québécois a débuté d'abord comme un mouvement étudiant, mais ça a quand même assez rapidement débordé au niveau social, donc un mouvement social. Alors, un an plus tard, est-ce qu'on peut expliquer ce débordement? Bien, je pense que on le voyait déjà il y a un an, pourquoi ça débordait, comme vous le dites, dans les grandes manifestations, notamment, qui avaient lieu. On revendiquait à peu près tout et n'importe quoi. On faisait aller notre colère contre le gouvernement en place, contre l'injustice sociale en général, etc. Je pense que, de manière généralisée, donc pas que au Québec, mais bien à peu près partout dans ces mouvements d'individus que vous avez mentionnés, il y a là un malaise social important qui reflète les dysfonctionnements politiques et économiques qu'on vit, que ce soit les inégalités sociales, le revenu disponible réel des familles distinctes, la crise économique européenne et nord-américaine également. Donc, je pense qu'il y a un vaste ensemble de protestations qui visent, qui met en lumière une situation ou un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qu'il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas dans notre société. Alors, c'est ça. Donc, justement, au-delà de cette révolte étudiante, comme vous le mentionnez, donc c'est plus c'est à l'échelle globale. Et donc, les auditeurs comprennent que c'est vrai. On veut vraiment revenir plus sur le mouvement de protestation politique et sociale que fut le printemps érable. Mais côté protestation, donc, si on peut revenir à l'actualité, avant d'y venir, j'aimerais que vous nous parliez de votre colère de ce matin qu'on peut lire sur votre blog, si vous avez envie d'en parler. Oui, oui, ben en fait, je ne suis pas le seul à être en colère ce matin. À Montréal, il y a eu une manifestation commémorative, entre guillemets, hier soir, qui a été tout de suite cassée par la police, avant même qu'elle commence. Ah oui, avant même qu'elle commence. Ah oui, ça a pris 4 minutes. En 4 minutes, il y a eu 2 policiers pris pour encercler les gens qui tous n'ont pas arrêté, mais qui ont vu ont donné des contrats d'infraction J'ai mal entendu, je vous entends mal un petit peu, donc vous aviez dit quel montant? Il y en a plusieurs qui ont eu une amende de 637 $. Oh, 637. Oui, c'est pas une mince affaire. Mm-hmm. Moi, j'étais avec plusieurs autres à un lancement de 2 ouvrages, justement, liés par Éco-Société sur le printemps et québécois. Nous étions au Lion d'Or à Montréal, donc pas très loin du centre-ville, et quand on a su ce qui se passait, ben, on est allé rejoindre les centres peut-être une trentaine de professeurs. J'étais notamment avec Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Martin, Blanqui, l'appartement de la vie. Donc, on s'est dirigé et les policiers nous ont empêchés de nous approcher de des lieux, ce qui est correct, en fait, viable. Mais nous, on était là, qu'on dansait très tranquillement, très facilement, et ça a pris 5 minutes avant que les policiers nous sortent à tous les sens. L'antenne a été plus maganée que d'autres. Moi aussi, j'étais assailli par un de ces policiers-là, sans aucune espèce de raison et sans aucun avertissement. Ça commence à être très inquiétant, particulièrement à Montréal. Ah oui, donc on sent vraiment comme un climat de... C'est un peu de violence que vous me décrivez, là. Dans le fond, vous m'aviez dit... Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont été bousculés, qui ont tombé par terre, et vous me dites que vous étiez pacifiste, et c'est une manifestation pacifiste, et dont Gabriel Nadeau-Dubois était présent. Oui, on était juste les copains pour on ne s'entendait même pas de slogan, en fait. On était juste vraiment du coup très tranquille. Ce qui est inquiétant, c'est que cette volonté, ce droit de manifester, qui est enchâssé dans la Charte des droits, est même refusé par les policiers. Le porte-parole de la police de Montréal hier soir, a prétendu que ça n'était pas un droit. Donc, lui-même ne connaît pas, ou fin de ne pas connaître, les droits fondamentaux de nos citoyens. Ça commence à être irradiable. Et ça ne fait qu'assister les polarités, les polarisations au sein de la population. C'est très, très malsain. C'est malsain, c'est sacré. C'est pas juste la colère que ça peut créer de la haine. Puis quand on est avec la haine, il y a beaucoup. C'est ça, la violence suit, là. Exactement. Et c'est pas comme ça qu'on va entreprendre un débat de démocratique. Évidemment, c'est une discussion démocratique sur les véritables enjeux que l'on peut faire. Et une population avec la haine, c'est plus. Si vous me permettez, ça peut. On peut être plus manipulé, donc c'est un petit peu comme la tactique de diviser pour mieux régner. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que c'est une tactique qui est vraiment planifiée, loin d'être certain de cela, mais le résultat est le même. Effectivement, ça divise la population et ça permet de mieux régner, simplement comme vous le dites. Oui, donc à être conscient de tout cela. Donc, en tout cas, je mes sympathies. Je suis un seul morceau, c'est ça qui compte. Oui, en espérant que ça cesse très bientôt. Mais dans le fond, ça peut faire un lien quand même justement avec le printemps arabe qu'il y a eu en 2012 et que là, c'est ça, donc qu'il y avait une commémoration par rapport à ça. Et puis depuis ce matin, j'aimerais que vous parliez qu'on peut accéder à un essai photo interactif intitulé « Et maintenant, où allons-nous? » Donc, auquel vous avez contribué. Donc, c'est pourquoi cet essai photo et c'est de qui, si vous voulez nous en parler? Donc, c'est coproduit par l'Office national du film du Canada, l'ONF, et le journal Le Devoir. C'est réalisé par un talentueux jeune réalisateur qui s'appelle Jérémy Bataglia, qui avait déjà fait un web-up pour Le Devoir au cours de l'élection de l'année dernière. Donc, l'objectif de ce web-up, cet essai photo, vidéo et audio, et de non pas véritablement commémorer quelque chose. Donc, oui, on souligne le premier anniversaire de ce mouvement social. Mais c'est surtout de réfléchir à vers où ils nous portent, pour qui son titre, et maintenant, où allons-nous? Donc, qu'est-ce qu'on en retire? Quelles sont les suites, s'il y en a, bien sûr, de ce mouvement social que nous avons vécu dans l'année. Oui, alors, pouvez-vous répéter son nom? C'est Jérémy... Jérémy Bataglia. Bataglia, donc parfait, merci. Alors, donc on va pouvoir le voir donc sur le site du Devoir? Devoir, exactement. Il est en ligne depuis ce matin sur le site du Devoir. Alors, à consulter, bien sûr. Mais il y a également beaucoup de vidéos qui ont été produites sur le printemps érable également. Donc, entre autres, le printemps québécois quand le peuple s'éveille de Mario Jean. Alors, il y a une nouvelle version qui est sortie hier, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'on s'est assoupi depuis? C'est mon désastre question, hein? Oui. c'est un peu la question que bien des gens et moi-même se posons. C'est-à-dire, est-ce qu'il en reste quelque chose de fondamental? Est-ce que ça change culturellement quelque chose? Moi, je prétends que oui. C'est sûr qu'on est passé aux choses, on ne verra plus probablement plus les grandes manières, peut-être 300 000 personnes qui vont aller à Montréal et d'ailleurs. Cependant, il y a eu manifestement de nouvelles politisations au sein d'une certaine couche de la population. Donc, des gens qui n'étaient pas ou qui n'étaient plus politisés, donc qui ne s'intéressaient plus à la cause publique, sont intéressés de plus en plus. Et je pense que ça, c'est un héritage, et je ne dis pas que l'ensemble de la population, évidemment, mais une masse assez grande, à mon sens, de personnes, c'est difficile à quantifier pour l'instant, à l'évaluer, à en faire une évaluation empirique, c'est donc une intuition pour tout de la part. Mais je crois que c'est le cas et que ça, c'est un signe de renouveau de la discussion démocratique dans notre société, de la recherche, de l'analyse des comportements, des mouvements auxquels on participe et qui nous permettent de réfléchir à notre avenir. Moi, je crois que ça va nous rester de façon durable. Comment ça se transformera? Comment ça sera nourri? Ça, c'est une autre question, évidemment. C'est l'avenir. moi, on a semé les graines d'un renouveau politique citoyen assez important. Juste avant de parler de la dimension politique, juste peut-être si vous pouvez garder votre être plus près de votre téléphone, parce que des fois on perd votre voix, malheureusement. Je suis désolé, j'essaie autant que je peux. Oui, mais là je vous entends bien. D'accord. Parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites, puis j'aimerais que tous les auditeurs puissent puissent vous entendre, donc voilà. Puis c'est ça, justement, cette dimension politique-là, donc au niveau peut-être de la population, oui, mais au niveau des partis politiques, on a eu comme l'impression que autant la droite que la gauche a été un petit peu pris au dépourvu par l'ampleur du mouvement de protestation. Alors, selon vous, pourquoi? Je pense parce qu'il est par l'ampleur, mais par son caractère non organisé. Hein, la gauche et la droite, c'est vrai, moi, ce qui m'a frappé, surtout au début du printemps dernier, c'était la quasi-absence des grands syndicats. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils s'intègrent au mouvement, parce qu'eux-mêmes étaient complètement pris au dépourvu par quelque chose qui était très spontané. Et ça, c'est vrai des mouvements Occupy et les Indignados en Espagne, les Indignés particulièrement en Grèce, etc. Ce sont des mouvements qui sont très peu organisés, qui sont très spontanés, qui sont relayés notamment par les médias sociaux, etc. Et ça, c'est quelque chose avec lequel les institutions politiques ont beaucoup de mal à travailler. Ils ont beaucoup de mal à canaliser ce genre de mouvement-là. Et non seulement il était pas organisé, mais en plus, il n'était pas revendicateur d'une cause claire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on protestait pour tout et n'importe quoi en même temps. Donc, c'est difficile à récupérer ou à contester même ce genre de mouvement-là. Il est multiforme et hétérogène et il est peu organisé. Je pense que c'est ça la raison fondamentale pour laquelle plusieurs institutions, plusieurs groupes organisés, etc., ont du mal à communiquer avec le. Donc, oui, très intéressant. Puis, donc, c'est sur caractère spontané, mais puis là, plus dans votre dernier, l'avant-dernier billet, donc, limiter les dégâts, vous avez écrit, donc, la phrase qui pourrait être qualifiée de lucide. Donc, le capitalisme a cette formidable capacité à se renouveler constamment et à intégrer les mouvements s'opposant à son développement. Est-ce que ça veut dire que ça servit à rien de sortir les casseroles et d'aller marcher dans la rue? Oui et non. Cette notion-là, on peut la voir positivement ou négativement. Positivement, il y a une capacité, effectivement, au capitalisme à se renouveler ou à intégrer donc des mouvements de contestation. En soi, c'est quelque chose qui est plus politique qu'économique, mais qui est quand même, il y a des conséquences économiques importantes. Mm-hmm. La place des femmes. Ça a pris des mouvements de revendication, les facettes, les mouvements féministes, etc., pour que les femmes occupent de plus en plus une place égalitaire à celle des hommes dans la société, dans la politique et dans l'économie. Donc, le capitalisme a été capable d'intérioriser ou d'intégrer ce mouvement de contestation et se transformer pour donner plus de place aux femmes. Donc, il y a un aspect positif qu'on ne peut pas nier. Cela. En même temps, l'aspect négatif, c'est qu'il est du corps des mouvements de contestation-là. Donc, il faut toujours, en quelque sorte, rester vigilant et ne pas, et que les mouvements de protestation ne soient pas récupérés de manière à perdre leur force par le système politico-économique. C'est là où il y a une tension entre les deux aspects, positif et négatif, qui me fait dire, pour répondre à votre question, que non, ça ne pourrait pas posséder à cette sortie dans la situation. Parce que ça éveille justement l'activité, ça éveille notre capacité à être vigilant face aux injustices sociales, par exemple. Donc, la capacité, le pouvoir aux citoyens de dire non. Exactement, tout à fait. Puis, vous avez écrit également des textes sur les transformations sociales que vous avez réunis dans un livrel, donc un livre électronique. Peut-être que vous pouvez me dire également le lien et s'il y a un titre. En tout cas, si j'ai bien compris, vous abordez les suites du printemps érable. Et pour vous, quelles sont-elles, ces suites-là? Oui, ben en fait, il n'est pas tout à fait prêt encore. Il sera publié sur mon site, mon blog, c'est-à-dire au voir cette semaine. Donc, on pourra faire le lien assez facilement en le voir sur Internet en général. OK, parfait. Venir. Effectivement, j'ai réuni et réussi une vingtaine de textes que j'ai publiés depuis l'année dernière sur des analyses en fond des transformations sociales et économiques pour donner des pistes d'explication de ces transformations-là et sans parler explicitement et longuement du printemps québécois, j'y fais bien sûr allusion parce que pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un indicateur effectivement de changement potentiel à venir. Donc, les transformations sociales ou les transformations économiques, même les plus spectaculaires comme des révolutions, ne se constatent pas lorsqu'elles arrivent. Elles se constatent après coup. Donc, on a toujours du mal à les voir se produire sous nos yeux parce que elles sont multiformes, elles se font graduellement, bien entendu, et souvent en soumet ou de manière pérenne. Donc, moi, je pense que, et je ne sais jamais de prophétie, je ne sais pas faire où on s'en va, mais je suis persuadé que présentement, il y a des choses fondamentales qui changent dans notre économie, dans notre société, qu'on remet en question l'appât de gain à tout prix, qu'on se préoccupe davantage maintenant de la justice sociale qu'il y a 30 ou 40 ans, et qu'on fait des gestes en vue de transformer les choses pour avoir plus de vie. Donc, c'est un peu cette réflexion que je propose en ce sujet-là. Alors, justement, pour faire suite à ce que vous dites, dans un billet qui est paru en octobre dernier, vous aviez parlé d'interstice, donc de failles dans l'édifice social et politique et de potentiel de changement profond. Donc, c'est un peu ce que vous nous dites. Mais en terminant, c'est donc dire que vous conservez espoir que tout cela débouche sur une transformation durable de notre vie commune. Est-ce que, donc, malgré justement des fois les violences qui ont pu survenir comme par rapport à hier, est-ce que donc vous conservez cet espoir-là? Bien, je pense qu'on n'a pas trop le choix de l'avoir, cet espoir-là. Face à toutes les catastrophes qui nous tendent au bout du nez, on n'a pas le luxe du désespoir. On doit avoir un espoir militant, en quelque sorte, et agir en fonction de cela aussi, en fonction de ces idéaux-là. Face à l'ensemble des crises, qu'elles soient de justice sociale, écologique, climatique, alimentaire, en passe et débile, on n'a juste pas le choix de garder espoir, transformer le monde dans lequel on soit éventuellement avancé. Un peu comme la commission Charbonneau pourrait peut-être le faire, sait-on jamais? Exactement, ça peut en faire partie, tout à fait. Oui, donc un appel dans le fond à rester, c'est ça, éveillé, à se tenir ensemble et à dénoncer, donc de garder la parole. Aussi, hein? Et agir aussi concrètement dans le monde, pas uniquement dénoncer et essayer comme citoyen de faire votre part pour voir si ça peut arriver. Alors, merci beaucoup Yannick Marcille. C'est un grand plaisir. Alors, bonne continuité et je rappelle que vous êtes économiste indépendant et que vous tenez le blog .economie sur le site de voix.ca et que vous avez également votre site web, donc yannickmarcille.com. Merci, à bientôt. Au plaisir. Alors, je me tourne maintenant vers Michel, car c'est l'heure, Michel Monnette, alors, parce que c'est l'heure de l'éditorial de notre président d'Attaque Québec. Oui, Valérie, c'est l'heure de l'éditorial. Et comme tu l'as dit tantôt, cet éditorial vient directement de Tunis. Oui. Cette semaine, Claude est en Tunisie présentement et il va assister au Forum social mondial qui a lieu en Tunisie cette année à partir du 26 mars jusqu'au 30 mars. Donc, on va écouter son éditorial qui porte justement sur ce pays qui traverse des turbulences en ce moment. On a des petites turbulences au Québec à côté de celles que vit la Tunisie. Donc, on écoute Claude. Le Forum social mondial qui va se dérouler la semaine prochaine du 26 au 29 mars. Le choix de cette ville n'est pas arbitraire. On a voulu souligner le printemps arabe qui s'est amorcé en Tunisie il y a 2 ans et aussi soutenir une révolution qui fait face à des lendemains difficiles. Parce que la situation est bel et bien difficile en Tunisie à cause de la politique, bien sûr, mais à cause de l'économie. Le pays est comme à la croisée des chemins. Plusieurs destinées sont possibles. Certaines craignent un effondrement généralisé, mais aussi on peut aussi penser à une reprise progressive dans un pays dorénavant respectueux des institutions démocratiques. Entre ces deux choix, tout est possible. Je suis présentement en voyage en Tunisie et tel que j'ai pu le voir, le constater, les Tunisiens se disent satisfaits de liberté retrouvée, mais le chômage, l'incertitude économique, l'instabilité politique les inquiètent. Plusieurs craignent des débordements qui mènent à la violence, même si les tensions ne se font pas trop sentir. Le recul de l'économie se voit particulièrement dans le tourisme. Il s'agit de voyager maintenant pour voir que les hôtels sont vides, les restaurants sont vides, les sites touristiques sont vides. Tout ça dans un contexte où finalement le tourisme n'est pas vraiment menacé. On peut dire que les touristes ont malheureusement très souvent l'épiderme très sensible. Alors les Tunisiens sont emportés dans une espèce de mouvement de spirale vers le bas auquel nous sommes hélas un peu trop familiers. Parce que l'économie connaît des difficultés, la dette augmente de façon significative. Parce que la dette augmente, ben, il faut davantage la rembourser. Pour la rembourser, il faut consentir à de nouveaux sacrifices. Et ces sacrifices enfoncent davantage la population dans la misère. Alors, vous pouvez vous imaginer que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont dans le coup. Ils sont mis de la partie et ils imposent au pays une politique qu'ils ont déjà imposée pendant le régime de Ben Ali, la thérapie du choc, c'est-à-dire plus de privatisation, plus de déréglementation et aussi une espèce de surendettement qui ne semble pas avoir de fin. Et c'est pour ça qu'une organisation comme Red Attack Tunisie, donc nos camarades d'Attaque Tunisie, demande de suspendre le paiement de la dette et de réaliser une vérification citoyenne afin de pouvoir, je cite, de pouvoir sur des bases légales en répudier la part légitime et odieuse. Donc ce travail est un travail essentiel pour retrouver une espèce d'équilibre budgétaire. Pendant ce temps, le pays est toujours secoué par l'assassinat du leader de gauche, Chokri Belaïde. Le dimanche dernier se tenait d'ailleurs une grande manifestation pour souligner le 40e jour de sa mort, de celui qu'on qualifiait de martyr. En fait, tous les partis politiques sortent affaiblis de la crise qui a été accentuée par cet assassinat. Les médias occidentaux mettent l'accent sur une division entre les laïcs et les islamistes, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il y a parmi les laïcs, la gauche, mais aussi les néolibéraux qui étaient très souvent des proches de Ben Ali. Alors, vous pouvez comprendre qu'entre ces deux tendances, il n'y a pas vraiment de dialogue possible. D'autre part, les islamistes, eux, n'ont aucune réticence à appliquer des mesures néolibérales tant qu'ils peuvent régler, comme ils le souhaitent, des questions religieuses. Donc, on peut entrevoir que l'avenir sera difficile et lourd. Le danger d'une progression considérable de la pauvreté est très réel. Alors, il faut souhaiter que le Forum social mondial puisse être un lieu de débat riche et stimulant pour nos camarades tunisiens. Et pour les étrangers qui sont là, il faut espérer que le Forum puisse les aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans ce pays. Et peut-être aussi les motiver à intervenir auprès de leur propre gouvernement, alors que ceux-ci cessent de soutenir des politiques nuisibles à la Tunisie, comme celles prônées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Radioton spécial 40e anniversaire de CKRL arrive à grands pas. Et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le Bal du Lézard. Ici Jean-Paul Lallier, président d'honneur du 40e anniversaire de CKRL. Comme à chaque année, CKRL aura son Radioton pour trouver les financements nécessaires qui lui permettent de continuer à se développer dans la liberté et au service de la grande communauté de Québec. Ne manquez pas cet événement les 5, 6 et 7 avril prochain. 40 000 $ pour 40 ans de beaux services à la communauté. Ouvert tous les jours dès 7h, Restaurant L'Athéna vous offre une variété de petits déjeuners à partir de $4.75, 7 jours sur 7 jusqu'à 15h. Au Restaurant L'Athéna, vous pouvez réserver pour vos réunions d'affaires. Restaurant L'Athéna, 2980 1ère Avenue, pour combler votre appétit matin, midi et soir. Sur place ou en livraison au 418-525-5509. Jusqu'au 31 mars, contribuez à la campagne de financement de Vidéo Femmes, un centre d'artistes de Québec qui fête ses 40 ans. Faites un don et recevez l'une des nombreuses récompenses. Pour 15 $, obtenez un macaron aux couleurs de l'organisme. Pour 40 $, devenez propriétaire d'une compilation de courts-métrages et plus encore. Pour 125 $, courez la chance de gagner l'un des 15 iPod Touch. Tous les détails au videofemmes.org ou téléphonez au 418-929-9188. Préserver son humanité, sa morale et ses idéaux est un combat quotidien. Le Théâtre du Trident présente, jusqu'au 30 mars, Rhinocéros, l'œuvre retentissante d'Eugène Ionesco, dans une mise en scène d'Alexandre Fecteau. Une pièce composée de personnages en apparence normaux qui évoluent dans un univers décapant. Pour information, 88-643-8131 ou letrident.com. Bonjour, ici Pierre Vanchanfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Valérie Blouin qui est avec vous pour l'émission Le Grain de Sable d'Ata Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Alors, juste avant de vous présenter notre chroniqueur pour cette semaine, alors je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de CKRL pour nous soutenir, car nous serons en période de Radiothon du 5 au 7 avril. Et également, vous pouvez vous procurer des billets pour un cocktail bénéfice qui aura lieu le jeudi 4 avril à l'hôtel Château-Laurier. Alors, encouragez-nous si vous aimez cette radio libre et indépendante qu'est CKRL 89.1 depuis 40 ans. Alors, je suis avec maintenant Robert Jasmin. Robert Jasmin, bonjour. Bonjour. Alors, sociologue et ex-président d'Ata Québec, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous encore une fois cette semaine. Et cette semaine, donc, ton sujet de prédilection, l'actualité américaine. Et plus particulièrement aujourd'hui, ça va être deux enquêtes d'opinion sur l'état mental, intellectuel et moral des Américains dans une période où des décisions importantes doivent être prises par les différents paliers de gouvernement, notamment en matière économique et financière. Alors, c'est bien ça le sujet. C'est exactement. Alors, c'est assez spécial même. Oui. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la découverte d'une enquête d'opinion sur Internet qui m'a laissé entendre que c'était important des fois de faire ce portrait. Parce que des fois, on se demande avec les décisions qui sont prises au niveau politique, on dit comment ça se peut? Dans le monde entier, actuellement, les gens se demandent où s'en vont les États-Unis, quelle mouche les a piqués de prendre des décisions aberrantes contre le bon sens, le simple bon sens. Mais quand on voit les résultats de cette enquête d'opinion... Sur l'état mental, intellectuel et moral des Américains, je le rappelle. C'est ça. Alors oui, on a très hâte de t'entendre là-dessus. Mais c'est ça, c'est les Américains états-uniens. Hein? On va le particulariser ici, on va le spécifier. Évolue dans un univers intellectuel largement influencé par la religion et certaines théories ou croyances réfractaires à la science. Hein? Faut le rappeler aux auditeurs. Et c'est quelque chose qu'on voit dans notre propre pays, à voir aller les conservateurs. Je me demande si, chez les conservateurs, les résultats de l'enquête que je vais vous dévoiler ne seraient pas à peu près les mêmes. Ça serait intéressant à produire cette enquête. Mais c'est pas un peu paradoxal dans un pays qui a quand même... Il y a tellement eu de gens qui ont eu de prix Nobel à l'humanité. Effectivement. Oui. Mais les États-Unis deviennent de plus en plus un pays des extrêmes. D'un côté... puis on trouve ça largement sur la côte nord-est. Je descends pas au sud, là, c'est trop dangereux. Et ouest, je pense à San Francisco, Los Angeles. On découvre quand même, là, il faut le dire, une minorité très cultivée, instruite, largement progressiste. puis qui développe un esprit très scientifique. Mais de l'autre, à l'autre extrême, on a une masse qui est sensible et très perméable aux préjugés anti-intellectuels des pires radiopoubelles. Marquez que si on se compare, on peut légèrement se consoler parce que peut-être qu'on va y arriver avec nos radiopoubelles. On va peut-être descendre au niveau des Américains. C'est pas ça qu'il faut se souhaiter, là. Non. Mais faut être sur nos gardes. Parce que la propriété privée des ondes donne inévitablement une radio poubelle. C'est des radios qui vont tabler sur le plus petit commun dénominateur, sur la facilité, la médiocrité, tout ce qui est facilement accessible à un esprit humain qui ne veut pas faire d'efforts intellectuels. Les radios poubelles sont là pour les titiller. Et ce qu'on voit aux États-Unis, ben, c'est que les préjugés anti-intellectuels, entre autres, ça se répand. Ce qui fait que la masse des gens est très sensible puis influençable. Ils sont sensibles aux sermettes des preachers là, dans les méga églises. Et aux croyances religieuses les plus obscurantistes, notamment, et c'est absolument renversant, mais les interprétations littérales de toutes les légendes contenues dans la Bible. Et pour moi, la Bible, c'est un très beau texte, mais qui est peuplé de légendes. Mais eux prennent ça pour la vérité. Alors, et comme sur le plan économique, l'écart entre ces deux pôles de la société américaine, l'écart des revenus va en s'accroissant, ben, on peut imaginer, hein? Ben, ça se traduit comment? Donc, tu parlais d'une enquête d'opinion, alors je présume que certains exemples concrets? Oui, alors là, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Oh, et ça augure mal, ça. Je fais remarquer que cette enquête-là, et c'est bon de le préciser, vous allez voir avec les réponses, mais c'est bon de préciser que ce n'est pas une enquête qui a été faite chez les enfants, mais chez des adultes. Si ça avait été chez les enfants de 5 ou 6 ans, j'imagine que les réponses auraient été très, très explicables. Oh. Mais regardez bien. Alors, c'était... cette enquête, les résultats ont été publiés récemment, entre autres dans le San Francisco Gate. Alors, j'ai pris quelques données, mais ça illustre, là. Vous allez dire, on est peut-être loin de la politique et de l'économie. Non. Non. Parce que ça préfigure ce type de comportement mental, préfigure le comportement politique des gens. Alors, voici quelques données. 6% des Américains croient dans la réalité des licornes. Les licornes? Oui. D'accord. Je sais que quand ma fille avait 4 ans, elle me demandait si les licornes existaient. Il y en a qui disent oui, d'autres disent non. Oui, mais, si, mais à 4 ans, on accepte la question. 36% croient aux ovnis. Bon. Ça augmente. 24%, je précise que 24%, c'est un Américain sur 4, croient que l'homme existait au temps des dinosaures. La prochaine vaut son pesant d'or. 18%, c'est presque un Américain sur 5. Croit que le soleil tourne autour de la Terre. Bonjour Galilée. Oui, hein? Et je pense qu'ils n'ont pas vu que Galilée était né, puis avait pensé, puis qu'il avait... C'était pas dans leur cours, non. Ça. Mais pourquoi? C'est parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Or, il y a des gens aux États-Unis dont la seule lecture est une lecture littérale est la Bible. Il y a des gens qui s'interdisent toute autre lecture que la Bible. Une autre, 18% croient encore, après 5 ans à la Maison-Blanche, que le président Obama est musulman. 45% croient que les anges existent. C'est presque un Américain sur deux. 48%, autant chez les démocrates que chez les républicains, croient dans une forme quelconque de créationnisme. C'est-à-dire que ces gens-là excluent la théorie de Darwin de l'évolution. L'auteur de l'enquête dit ceci, et je cite, « En somme, il est permis de dire qu'une moyenne de 37% d'Américains est complètement perdue, pour ne pas dire carrément stupide. » C'est les mots de l'enquêteur. « Peut-être même au-delà de tout espoir d'évolution. » Oui, on y est pas fort, hein? C'est assez pessimiste. Oui, alors est-ce que certains ils vont dire un peu que de telles choses, ben, c'est élitiste, c'est pas très gentil? Bien, curieusement, c'est vraiment bizarre qu'on dise ça, parce qu'on a posé la question à l'auteur de l'enquête. Le journal a posé la question. Puis il répond que oui, dans une certaine mesure, que c'est pas gentil, puis que c'est élitiste, mais il dit que ça n'a aucune importance. Personne parmi ces gens ne lira les résultats de cette enquête et des commentaires qui l'accompagnent. Donc, c'est peut-être pas gentil, mais s'ils ne savent pas, c'est pas grave. L'enquête démontre que... c'est l'auteur qui le dit, l'auteur de l'enquête, là. Mm-hmm. Il dit, l'enquête démontre que seul 42% de la population est en mesure de lire des analyses, même peu complexes. Il dit, c'est pourquoi, c'est lui-même qui parle, là, c'est pourquoi les émissions de télé-réalité ou les informations ou nouvelles produites par la chaîne Fox News, je rappelle que Fox News, c'est la chaîne de nouvelles continue la plus écoutée aux États-Unis. Alors, les nouvelles produites par la chaîne Fox sont écrites pour être comprises par des enfants de 5e année. Ah, rien de moins, hein? Quand on dit simplifier les choses, là, ben, c'est à un point tel que ça les déforme. C'est un peu, on dirait un peu de l'analphabétisme. C'est 42% de la population qui n'est pas en mesure de lire des analyses un peu complexes. Donc, non, c'est un peu... C'est impossible. Là, on tombe dans l'analphabétisme. Oui. Puis, est-ce qu'il n'y a pas une question d'éducation? Absolument. L'auteur dit bien, plus vous êtes instruit, plus vous avez la chance de développer, c'est évident, un esprit critique et ouvert. C'est dangereux. Mais voilà. Mais il rappelle, cela nous amène à la question suivante. Il dit, comment rejoindre des gens qui, pour plusieurs, refusent même de considérer la logique ou les faits? Il donne l'exemple, je le dirai un peu plus loin, là, mais ce qu'il dit, c'est comment leur communiquer de l'information sur le réchauffement de la planète, la santé publique, la sexualité, la bonne nutrition, les mythes de la religion, etc. Mais pourquoi il y a une telle distance entre certaines élites progressistes et la population, la masse des Américains? Est-ce que c'est pas de placer les choses dans une telle perspective que ce n'est justement pas de l'élitisme? Oui, en fait, je prends toujours le point de vue de l'auteur, là, de l'enquête. L'auteur répondrait que, justement, le seul fait, il se cache pas, là, le seul fait de discuter de l'élitisme est en soi de l'élitisme. Ah bon? le sénateur républicain de la Louisiane, Bobby Jindal, qui est quand même pas un progressiste, il a quand même reconnu ce fait et d'une façon un peu désespérée. Voici ce qu'il a dit. Il est temps que notre parti, donc le Parti républicain, cesse d'être stupide et commence à parler comme des adultes. C'est lui-même qui a dit ça. De son propre parti. Bon, il faut que son parti soit rendu vraiment bas. Pas dans l'opinion, hélas, mais dans les propos. Dans son attitude complètement aberrante puis obscurantiste pour qu'un sénateur ose dire ça. C'est bien beau tout ça, se demande le chercheur. C'est bien beau d'écouter un sénateur comme ça faire son mea culpa. En admettant que le parti change, comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre une base qui fréquente de façon permanente les méga-églises, ces méga-églises hein, aux États-Unis qui font un ravage intellectuel épouvantable où les gens se laissent aller, en fait, s'abandonnent aux propos de preachers qui sont des experts du conditionnement mental. Il demande, le sénateur de la Louisiane est-il au courant que dans son État, dans son propre État en Louisiane, on enseigne que le monstre du Loch Ness existe. Et on dit même que en Louisiane, j'ai vu des textes là-dessus absolument incroyables, on enseigne que la théorie de l'évolution est un mensonge fabriqué par des progressistes qui détestent Dieu. Bon, alors on peut comprendre, n'est-ce pas? Alors là, on voit que d'adhérer, le sénateur commence à se dire, bon, peut-être que ça devient dangereux, là. Peut-être. En fait, le problème, c'est celui-ci. C'est que même si on présente des faits prouvés scientifiquement, comme par exemple que tel os de dinosaure date de 65 à 70 millions d'années environ, si votre pasteur vous dit que c'est faux, et que la Bible dit que cet os n'a que 8000 ans, c'est la Bible et votre pasteur que vous allez croire. Alors, c'est sur ces bonnes paroles de l'Évangile que nous allons prendre une petite pause avec Robert Jasmin et nous allons écouter un peu de musique et on vous revient pour la suite de cette enquête d'opinion sur l'état mental, intellectuel et moral des Américains. Forget about the apple spell. Don't fall in that wishing well, wishing for heaven and getting hell. Wash behind your ears, don't smell. Cover them freckles, don't ask, don't tell. Kiss your papa, but not too long. Hold his hand, don't do no wrong. Jesus loves me, but not my wife, not my nigga friend, no nigga life. Jesus loves me, that for sure. Cause the Bible tells me so. Alors, vous venez d'entendre un extrait de Jesus Loves Me avec Coco Rosie. On parle avec Robert Jasmin de deux enquêtes d'opinion sur l'état mental, intellectuel et moral des Américains. Justement, alors, juste avant cet extrait, on parlait un petit peu que la Bible était vraiment une référence par excellence pour expliquer un peu tout là, dans la société par certaines personnes aux États-Unis. Alors, on peut peut-être mieux comprendre autant de conservateurs obscurantistes qui ont été élus au Congrès des États-Unis, mais enchaînons sur la deuxième enquête. De quoi s'agit-il? Oui, alors là, évidemment, je vais être très bref, pas juste à cause du temps qui nous est alloué, mais parce que c'est un document sur lequel j'ai mis la main hier et je l'ai encore, je l'ai pas traduit encore, donc j'y vais un petit peu à l'œil, mais ça me paraît très vraiment intéressant. C'est un groupe, un think tank de gauche qui en général pose des questions qui nous amènent quelque part. Les think tanks de droite en général nous amènent en arrière, nous font avancer par en arrière, mais les think tanks progressistes au moins nous révèlent des choses qui peuvent être utiles. Et celle-ci, c'est sur la perception, les différences de perception entre les très riches et les autres, c'est-à-dire vous et moi, là. Mais si on était américain, ça serait vous et moi. L'enquête a été effectuée par le groupe de recherche Demos. On remarque que Demos, c'est les premières lettres de démocratie. C'est cette vision des très, très riches. On dit que là-dedans, un très riche, dans cette enquête, là, c'est quelqu'un qui fait au moins 1 million par année. Oh, très riche, OK. Ouais. Donc, un très, très, très faible pourcentage des États-Unis. C'est pas très, très, très, très riche. mais en fait, c'est à partir d'un million. Oui. Mais là, on peut avoir des milliards, là. Bon. C'est ces gens-là qu'on a fait l'enquête, puis on a fait l'enquête dans le public en général. Le public en général, je répète, c'est vous et moi. Là. Le 99%. Bon, c'est ça. Alors, voici les réponses qui sont vraiment révélatrices. Si on dit, par exemple, êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante, le gouvernement doit veiller à ce que personne ne manque de nourriture ou de logement. Alors, 68% du grand public, même là, c'est bas, je trouve. Moi, je pense que je me serais attendu dans une société civilisée qu'on pourrait conclure que le gouvernement est obligé de veiller à ce que personne ne manque de nourriture ou de logement. 68% seulement du grand public. Mais avec les très riches, c'est 43%. Alors, pour la compassion, on repassera. Deuxième question. Êtes-vous d'accord que le salaire minimum soit tel qu'aucune famille avec un salarié à temps plein ne tombe sous le seuil de la pauvreté? 78% des gens ont dit oui, on est d'accord. Il faut que le salaire minimum soit au moins capable de t'enlever de la pauvreté. Mais les très riches ne sont pas d'accord. Alors, 40% seulement des très riches, on dit. L'autre question. Le gouvernement doit voir à ce que le chômeur ait suffisamment pour vivre décemment. Mais il y a seulement 50% du grand public qui dit oui. 23% des très riches seulement disent qu'un chômeur doit avoir suffisamment pour vivre décemment. Il n'y a pas d'explication non plus liée à ça. Là. C'est seulement... Non, mais, oui, non. Mais ça veut dire que 77% oui, c'est beaucoup. Dit que le gouvernement n'a pas à s'occuper des chômeurs, finalement. Le gouvernement doit voir à ce que toute personne qui veut travailler puisse trouver du travail. Alors, 68% du grand public dit oui, le gouvernement doit voir. 19% des très riches seulement. Les taxes sur les revenus devraient être augmentées. Évidemment, on parle des taxes sur les très riches. Alors, on comprendra que les très riches ne sont qu'à 13% pour être d'accord avec ça. Mais on pourrait penser que le grand public serait largement d'accord. 49% seulement. Dernière question, le gouvernement fédéral devrait fournir du travail à toute personne désireuse de travailler si celle-ci ne peut en trouver dans une entreprise privée. Donc, le gouvernement qui pourrait suppléer à l'entreprise privée. 8% seulement des très riches seraient d'accord avec ça. Et à peine 53% dans le grand public. Les conclusions, c'est que les très riches, malgré tout, contrôlent les faiseurs d'opinion, les grands médias, ils sont propriétaires, et ils distillent cette idéologie. C'est ce qui explique que malgré le fait que le grand public pense autrement que les très riches, il reste que c'est faiblement une croyance dans un État ou un gouvernement qui devrait pallier au manque de ce que l'entreprise privée peut produire. Alors, très, très, très intéressante ces révélations. Oui. Donc, on peut retrouver les deux enquêtes d'opinion sur l'état mental, intellectuel et moral des Américains. C'est Alternet sur le site Internet. Oui, c'est Alternet. D'ailleurs, pour les personnes qui sont capables de lire l'anglais, Alternet, c'est une source d'information extraordinaire. Alter comme autre. Autre, oui, qui va bien avec notre altermondialisme oui, ici. Oui, voilà, exactement. Merci beaucoup, Robert Jasmin. Donc, c'est déjà tout pour nous. Peut-être juste avant, je me tourne vers Michel Monette. Est-ce qu'on a quelques événements à surveiller rapidement? Le temps file, effectivement, mais je m'en voudrais quand même de ne pas signaler la présentation de Five Broken Cameras. Ça, c'est le 25 mars à 18h30. C'est Cinéma Politica. C'est à l'Amphithéâtre Hydro-Québec, au deuxième étage du pavillon Alphonse Desjardins. C'est un documentaire qui a été primé au Sundance Film Festival, sélectionné même au Oscar. C'est Emma Burnett et Guy Davidi qui, à travers les lentilles de 5 caméras tour à tour brisées, documentent la résistance pacifique à Bel-In en Cisjordanie. Rapidement aussi, l'art est-il à ce point gazeux qu'il se dissout dans l'air? C'est une table ronde sur l'engagement des artistes au Studio P le 27 mars à 17h. Voilà, je vous cède l'antenne, Valérie. Oui, alors pour le mot de la fin, merci beaucoup à Michel Monette. Alors, je tiens également à te remercier pour la réalisation de l'émission. Également, donc, le contenu, les choix musicaux, la recherche et ainsi que la mise en onde. Un grand merci d'être avec nous. Je vais également remercier les invités, donc Yannick Marcier, l'économiste indépendant, avec qui on a échangé sur le printemps québécois. Je vous invite également à lire ses billets, donc, sur son blog, entre autres, Punkonomie. Si ça vous intéresse, et également sur le voir et sur son site, donc yannickmarcille.com. Également un grand merci à Robert Jasmin pour sa chronique sur l'actualité américaine et donc les fameuses enquêtes sur l'état mental, intellectuel et quoi d'autre, donc moral des Américains. Je vous invite également à lire ça sur le site d'Alternet. Un grand merci à Claude Vaillancourt qui nous a fait son éditorial en provenance de Tunis. Vous pouvez également nous réécouter et nous faire nous partager donc par Facebook ou le blog donc grainsable.qc.org, sur Twitter également, sur le site d'Ata Québec et sur le site de CKRL 89.1 sur l'onglet programmation. Maintenant, je cède l'antenne à Olivia Vu, la magnifique conteuse d'histoire de la littérature jeunesse avec son émission Contes de fées qui va commencer à 13h. Et pour moi, donc, Valérie Blouin, c'est moi qui est avec vous. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine et semaine. Et également, je vous rappelle de rester dans la... Rester pacifique, donc, avec ce qui s'est passé à Montréal hier, avec les manifestations qui ont tourné en violence, malheureusement. Donc, n'oubliez pas que on peut toujours se faire manipuler. Et une fois que la haine est dans nos cœurs, on peut davantage se diviser que de s'unir. Donc, n'oubliez pas que diviser est une façon de régner. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle samedi prochain midi. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le 4 avril se tiendra le tout premier cocktail bénéfice de l'histoire de CKRL à l'hôtel Château-Laurier. Cette soirée donnera le coup d'envoi à la grande fin de semaine du Radioton annuel. La soirée bénéfice est au coût de 125 $. L'orchestre Dom Orchestre vous en mettra plein la vue et vous pourrez participer à notre encan silencieux. Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Makakoto, de la ministre responsable de la capitale nationale, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail et de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la SEDEC et du député de Jean-Lesage, M. André Drolet. En 2013, CKRL a 40 ans.